Marie-Georges Buffet, la victoire du non irlandais qui se dessine est une bonne nouvelle pour tous les peuples européens et c'est surtout une secousse salutaire pour l'Union européenne.